Allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Radio Campus. Lille. 106,6. FM. Contre-culture. Random. Random. Émission radiophonique. Un dimanche sur deux. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. Lille. C'est Random. 106,6 MHz. 106,6. Hacker du groupe Dégénéré Sciences Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random. L'émission préférée des N-Tech. Oh, comme c'est fort. Alors, bonjour pour Random numéro 13, émission aléatoire, très très aléatoire, avec un équipage réduit et partiellement bourré, enfin partiellement en gueule de bois. Partiellement en gueule de bois. Il y en a qu'un. On se demande qui c'est. Donc, nous allons nous présenter. Moi, je suis Célix, première fois à la technique, donc ce sera encore plus aléatoire que d'habitude. Ensuite... Ouais, il y a DB, hein, ouais, il est là. Et Little Charlie pour épauler à la technique. Attention, l'équipe de choc ce soir. Attention. Alors, pour les actualités, nous allons d'abord parler des actualités. Ça va être bien. Ça va être l'iPad cassé, la PS3 recassée, un bug dans le DNS, un sondage sur la Madeleine pour savoir si, oui ou non, la vidéosurveillance, ça vous tente. Attends, vidéoprotection, s'il te plaît. Vidéoprotection, ouais, attention. Parce que la caméra protège, tu vois, du genre, quand il y a un crime, la caméra se déboulonne et tombe sur l'agresseur. Et finalement... c'est un concept. Et finalement... ah oui, non, il y a aussi l'appel aux dons pour toile libre. Et... On parlera vite fait du débile, parce que je l'appelle le débile. Et aussi, donc... donc voilà. Alors, je sais pas de quoi il parlait. C'est la Adopi anglaise. Ah oui. Bon. Putain, les gars qui sont au courant, quoi. Tout à fait. Et le sujet non technique, pour une fois, ça se switch. Sur le. Vas-y. Donc en fait, il y aura un sujet spécial sur le FIC qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc le Forum international sur la cybercriminalité. Yeah. Donc le quatrième. Malheureusement, pas le dernier. Ouais. Et donc, on va faire un développement sur notre présence là-bas, ce qu'on a pu en tirer comme information de ce qui s'est passé. Bon, il y a beaucoup de choses rigolotes. Enfin, rigolotes, ça dépend comment on prend les choses. Il y a une news qu'on a oublié d'annoncer, qui est le report des contorsions technologiques. Et forcément, c'est pas sur la liste. Hein. Sinon c'est pas drôle. Ok. Je vais faire le bout de la technique parce que vraiment ils ont pas envie de le faire. Donc on va commencer par les news. Donc alors. On commence donc par l'iPad et la PS3 qui ont vu leurs mesures coercitives cassées. Donc l'iPad à peine sorti déjà jailbreaké, donc les propriétaires d'iPad vont enfin pouvoir reprendre le contrôle de leur matériel. Ça commence à devenir une petite manie de la part d'Apple de verrouiller systématiquement tous ces nouveaux matériels. Donc ça c'est GeoHot, un hacker qui se fait connaître pour avoir fait du reverse engineering sur plusieurs matériels dont la PS3. Pour avoir réussi à faire tourner malgré la disparition de OtherOSIS, la fonction qui permet de faire tourner d'autres systèmes d'exploitation sur la PS3, il a réussi donc aussi à faire tourner sur le nouveau firmware qui équipe les PS3 Slim, donc les nouvelles, qui ne peuvent plus déjà faire tourner Linux, et les anciennes qui permettaient de faire tourner Linux. Donc malgré le nouveau firmware, donc la PS3 peut tourner maintenant sous Linux. Voilà. Il y avait eu, donc c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais pas si on en a parlé dans Random. Il y avait eu le Sony qui a supprimé le support du Linux. Non, on n'avait pas parlé, c'est une news toute récente. Et donc ça fait gueuler pas mal de personnes qui jouaient à la fois aux jeux vidéo et qui utilisaient Linux sur leur console, voire des laboratoires de recherche, parce qu'il ne faut pas oublier que la PS3, c'est une console qui se base sur des processeurs PowerPC, multicœur. C'est une console qui vaut 200€. Plutôt que d'acheter un ordi à 1500€ minimum chez Yellow Dog, voilà, c'est une PS3, c'est quand même pas mal pour faire des tests sur cette archi-là. Donc voilà. Donc la deuxième news, donc c'était donc le bug du un bug DNS qui a eu quand même pas mal de répercussions. Donc le vu que les DNS sont anycastés, ça veut dire que les DNS racines, il y en a en théorie que 13, mais il y a des copies de ces 13 serveurs, et donc c'est la plus proche copie de l'un de ces 13 serveurs qui répond. Et donc du côté de l'Asie, il y a eu en Chine des tentatives de modifier les serveurs racines. Dans le but de la censure ? Certainement dans le but de la censure, et malheureusement il y a les annonces qui se sont propagées par BGP pour ces adresses IP de serveurs racines, et il y a des Californiens, des Chiliens qui se sont retrouvés avec de la censure, ils se sont fait filtrer leur résultat vu que les DNS étaient modifiés. Donc vivement que toutes les zones soient signées, au moins on sera sûr des résultats, on ne s'empêchera pas avec un faux serveur racine d'avoir des résultats en moins, mais au moins les résultats qui seront dits pourront être vérifiés par la signature. Donc voilà. Ensuite, une des news intéressantes, c'est le sondage sur la vidéosurveillance. On voulait parler de la débile avant, on avait dit. Ah, oui. C'est pour ça qu'elle en sort, c'est une liste ordonnée. Ouais. Donc au niveau de la débile, c'est donc la Digital Economy Bill, donc, ou D-Bill, mais moi je la prononce débile, parce que je trouve ça D-E débile. D-E-Bill. Oui, donc c'est D-E-B-I-2-L. C'est une loi en fait à peu près dans le même état d'esprit que Adopi, on va pas trop développer là-dessus. Il y a peut-être quelques spécificités dues au droit anglais qui est peut-être un peu plus respectueux des libertés fondamentales, parce qu'en France c'est pas notre fort, et donc voilà, c'est juste une loi, donc riposte graduée, mail, courrier et coupure de l'accès à internet pour l'immense majorité des citoyens et des citoyennes qui téléchargent. Encore une fois, on balance dans la criminalité un certain nombre, enfin une grosse proportion de la population, comme d'hab. Un peu plus près de chez nous. Donc il y a à la Madeleine, des débats autour de la vidéosurveillance. Un sondage qui a été publié sur le site de la ville de la Madeleine sur le fait de s'équiper ou non de vidéoprotection. Attention. Ce qui a donné lieu à peu près 900 réponses contre 180 ou un truc comme ça. La question posée est la suivante, hein. C'est: seriez-vous favorable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur certains points de la ville? On se rend compte que sur un peu moins de 1200 réponses, il y en a quand même 900, un peu plus de 900 qui répondent oui. Donc voilà, à la Madeleine, le peuple décide que Il y a, je pense, deux questions autour de cette réponse. C'est quand on voit les questions qu'on pose sur le terme de vidéosurveillance, les résultats sont beaucoup moins. Sont toujours en faveur de la vidéosurveillance, légèrement en faveur, mais ça tourne aux alentours de 60%, pas 80-20. Et on se rend compte que le terme vidéoprotection, là clairement, c'est une campagne d'acceptabilité de la technologie en question. Et ça change beaucoup la perception des gens. Et ils ne vont pas chercher plus loin et ils se déclarent favorables. C'est pour ça qu'il faut absolument rappeler que la vidéosurveillance ne protège pas, elle surveille. C'est une mesure de contrôle social. À but soi-disant dissuasif, mais qui en fait, son véritable but, c'est quand même de fliquer les gens. C'est pas anodin ce débat sur vidéoprotection, vidéosurveillance, etc. Alors, d'un point de vue un peu plus rigolo, ce qu'on peut dire aussi sur ce truc, c'est que on peut très bien voter 10 000 fois. Oui, il suffit juste de retirer le cookie et de voter. Et voire même, c'est un module Joomla en fait. Donc, c'est une bête base de données MySQL avec des votes. Ouais, disons que clairement, c'est tout à fait falsifiable. C'est un vote purement informatif. Et n'importe qui du Brésil, de Russie peut voter sans problème. Donc c'est pas forcément représentatif. Il suffit juste que l'UMP appelle en renfort des personnes pour voter, ou même que l'administrateur change les résultats, l'administrateur du site. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui a été pointé par l'opposition. Donc il y a eu des accusations de trucage. Voilà. Donc nous, de notre côté, je pense qu'on va essayer d'essayer de tirer ça au clair. Mais, on suivra de toute façon de très près l'évolution de ce truc. Pour celles et ceux qui ne sont pas de Lille, il faut savoir que la Madeleine, c'est un petit patelin qui est limitrophe de Lille, la ceinture nord de Lille, coincée entre Lambersart et Marc. Marc-en-Barœul, donc c'est quand même pas tout à fait les banlieues chaudes de Lille, quoi. C'est pas tout à fait ça. En plus, il y a un truc, c'est que dans leur sondage, c'était oui ou non pour l'installation de vidéoprotection sur certains points de la ville, et pas la généralisation complète de caméras partout, comme ça pourra... ils ont tout fait pour faire en sorte que... le nombre de oui soit maximisé, quoi. Ils prennent leurs gants, quoi. Oui. Alors qu'on sait très bien que la vidéosurveillance, elle rentre sans bout. On est par exemple les transports en commun sur la métropole lilloise, et ensuite on la retrouve dans les magasins, on la retrouve sur la voie publique. En gros, ça progresse. On voit bien le cas de Paris, c'est flagrant. Il y a eu quelques expérimentations et maintenant on parle de 2000 caméras en plus ou 1000 caméras. Il y avait 1000 caméras en plus qui ont été mises l'an passé. Et d'ailleurs, Delanoë s'est mangé un Big Brother Award. Certains points seulement, 2000 voilà. Certains points. 1000 certains particulier. Points de la ville de Paris, bien particulier, bien ciblé. Faut comprendre qu'il y a vraiment énormément de gens qui se posent pas mal de questions sur la vidéosurveillance. C'est pas simplement que des gauchistes barbus qui gueulent contre ça. Je veux dire, les Big Brother Awards, c'est pas tout à fait une bande de poilus. C'est vraiment... c'est des gens, des journalistes, etc. Jean-Marc Manac, par exemple. Des personnes qui sont simplement soucieuses des problématiques de liberté individuelle. C'est tout. Alors, sur la vidéoprotection, il y a un excellent dossier là-dessus sur Indie Media Grenoble, notamment avec une carte qui est plus ou moins à jour. Enfin, ils essayent de faire en sorte que ça soit à jour sur toutes les caméras qui tournent sur la ville de Grenoble. Je vous invite à aller la voir, elle est assez bien faite, il y a une belle légende bien compréhensible et tout. Pour les habitants et habitantes de Grenoble, ça peut être intéressant, et puis éventuellement pour d'autres villes derrière, s'il y a des bonnes volontés qui veulent s'y coller. Alors Indie Media Grenoble. Oui, justement, qui fait parler de lui avec des intimidations vis-à-vis de ses contributeurs, hein, puisqu'ils n'arrivent pas à savoir qui écrit quoi. Les forces de l'ordre n'arrivent pas à savoir qui écrit quoi sur Indie Media Grenoble. Ils essaient de taper un peu partout pour faire de l'intimidation. Avec des perquisitions, notamment au domicile d'adhérents d'une association qui gère une bibliothèque sur Grenoble. Et puis il y a une perquisition également dans les locaux de cette association. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Indie Media, comment ça marche, ce sont des plateformes de publication ouvertes qui sont maintenues par un groupe modérateurs et modératrices. Le but du jeu, en fait, c'est simplement d'écarter les contributions qui ont des caractères sexistes, homophobes ou qui ne sont pas l'objet du site, notamment par exemple tout ce qui ne concerne pas les luttes sociales. Autrement dit, des plateformes comme Indie Media et d'autres, hein, il n'y a pas qu'Indie Media, il y en a d'autres. Il n'y a pas de directeur de publication, il n'y a pas de personne qu'on peut responsabiliser et pointer du doigt et en faire un bouc émissaire dans ces groupes-là. Ce qui veut dire que, ben, voilà, vis-à-vis de la police, ils ne savent pas qui fait quoi. Et ils sont bien en mal de pouvoir accuser une personne et la traîner devant la justice. Donc ils intimident. Et il faut que ça cesse, quoi. À un moment donné, il faut qu'on puisse donner son avis librement sur les choses. Et notamment en termes de politique et de vie citoyenne et militante. Et là, maintenant, vu qu'on est dans le rayon des perquisitions et autres intimidations, je pense qu'on peut passer à la news sur l'hébergeur Toile Libre. Alors, Toile Libre, donc on en a déjà parlé, notamment il y a pas la dernière émission, mais l'émission d'il y a un mois, où on avait parlé du réseau libre. Donc, Toile Libre est un hébergeur indépendant et associatif qui pratique le prix libre et qui met en avant des pratiques citoyennes et militantes. Et Toile Libre, en fait, appelle aux dons. Là, parce que ben, ils souhaitent développer un petit peu leur infrastructure, notamment proposer à terme, à relativement court terme, je crois que la date annoncée était fin avril, ils souhaitaient... Ah tiens, on a du monde qui vient nous voir dans le studio, c'est cool. Ils souhaitaient en fait à terme proposer de la collecte ADSL, donc autrement dit des abonnements ADSL, un petit peu comme ce que fait FDN. Salut. Et ouais, vas-y, fais du bruit à l'antenne et tout, vas-y. Random, émission aléatoire, ouais, 106,6. Les copains viennent nous voir comme ça, à l'improviste, ils rentrent dans le studio, c'est cool. Bref, donc voilà, et donc, appel au don de la part de Toile Libre. Ils ont besoin de 20 000 euros, en tout et pour tout. Donc voilà, alors, en plus de ça, ils ont eu une réquisition judiciaire, l'hébergeur qui héberge leur serveur, enfin, qui hébergent une partie de leur serveur, a fait l'objet d'une réquisition judiciaire, donc ils se sont fait virer de cet hébergeur, purement et simplement, tiens donc, marrant comment ça marche, la politique de la peur. Et cette réquisition judiciaire concernait le serveur qui contient les données nominatives des adhérents de Toile Libre. Donc rien n'a été donné à la justice, mais il va falloir être vigilant. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos du côté de Toile Libre, ils ne souhaitent pas trop s'exposer, on aura peut-être plus d'infos par la suite. Alors, moi, c'est juste mon... c'est juste une interrogation que j'ai, mais... Le Braise Entropie Congress, auquel on devrait faire normalement une conférence la semaine prochaine, a son site hébergé par Toile Libre. Alors, je sais pas s'il y a un lien. Je sais qu'il y a d'autres groupes assez libertaires, voire pas dans le moule, qui sont hébergés sur Toile Libre. Donc, je me demande si ça n'a pas un lien... Tu fais de la parano un petit peu, mon petit Charlie, quand même. Là. Juste ce qu'il faut. Quoi ? Oh là là. Je crois qu'on a à peu près fini avec les news. On va donc faire une pause musicale. Ouais. Et on vous rejoint tout de suite après. Donc Radio Campus, l'émission Random, vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 71 24 00. J'ai réussi à le dire. Non, c'était 03 20 91 24 00. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez donc nous appeler au téléphone pour savoir si j'ai fait une connerie sur mon téléphone. Regardez l'annuaire, c'est plus simple. 106,6 FM. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Bounce. Alors voilà, on vient de passer Tiaz Itch, No Place to Go, et SMS de Vicnet. Vicnet du label Da Earth Records, qui avait fait une soirée au Tripostal. Mais putain, c'est n'importe quoi ce studio. Il y a Charlie Cube. Waouh. Ah, t'es pas encore assez rouge à mon goût. La loi de la gravité se fait affreusement sentir. Putain, mais toi tu gueules dans le micro, c'est un truc de malade. Je tiens à dire que tu me déchires les oreilles depuis tout à l'heure. Donc ouais, Vicnet, un artiste électro 8-bit qu'on aime bien, on a déjà passé le morceau Mister Adopi qui était assez une petite pointe d'ironie de bon aloi, n'est-ce pas? Et puis bon, il fait partie du label Da Earth Records qu'on a vu en soirée au Tripostal à Lille. Bon, il y avait des trucs bien, il y avait des trucs beaucoup moins bien, il y avait Puyo Puyo, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai absolument détesté ce truc. Malheureusement. On n'avait pas de tomates. Et non, mais non, puis voilà. Donc on va arrêter de parler d'artistes musicaux pour parler d'artistes pas musicaux et de pas artistes du tout. On va parler du Forum international sur la cybercriminalité qui s'est tenu les 31 mars et 1er avril dernier au Grand Palais de Lille. Et où on a bien rigolé. Donc, au niveau du FIC, donc on était présent. Moi, j'étais présent à la plénière d'ouverture. Ça a été l'occasion de voir un peu une démonstration d'un délire un peu d'un délire sécuritaire, mais avec vraiment beaucoup de consanguinité, dirons-nous, entre. Des industriels de la sécurité informatique qui proposent des outils de filtrage de l'internet, des gendarmes venus faire. Des gendarmes de plusieurs pays, il y avait 23 pays, je crois, 23 pays différents. Waouh! Des Estoniens ou Lituaniens, des Allemands, des Canadiens, des Américains, des Français, bien sûr. Bah. En force, hein. En force, oui. notamment nos NTech. No NTech à nous. Et donc, c'était un peu une synergie. Tiens, je vais faire mes emplettes. Tiens, je te propose mes produits. Et on avait aussi quelques responsables d'associations autour de tout ce qui est cybercriminalité. Des associations comme Enfance en danger. Voilà. En gros, c'est. On avait les personnes qui. Les personnes qui suscitaient le besoin, les personnes pour répondre aux besoins et les forces de l'ordre. C'est génial. Le tout pendant 2 jours. Et il n'y avait pas d'alcool au buffet. Ça, c'est un truc qui m'a choqué. C'est un truc où t'as plein de flics et pas d'alcool. Si, si, c'était dans l'espace VIP, mais il fallait pouvoir y rentrer. Ah, c'est pour ça que j'y ai pas eu droit, bizarrement. En parlant de VIP, on avait le ministre de la Justice belge. Qui venait nous dire que, on pouvait compter sur la présence et l'appui du ministre de la Justice belge pour durcir les directives sur les nouvelles technologies. Déjà qu'on a eu un paquet télécom pas terrible. Au niveau européen. Là, il y aurait peut-être une à deux nouvelles directives qui verraient le jour. Il y en a une qui serait inspirée du scandale. De la Commission européenne ou c'était le Conseil européen qui voulait faire une LOPSI au niveau européen et qui a eu pas mal de réactions contre donc notamment c'était une association de victimes de la pédophilie qui disent mais nous pas question de filtrer le net, ça va servir à rien, ce qu'on veut c'est qu'il y ait une infiltration des réseaux, un démontage des réseaux et une arrestation de ces criminels. Et éventuellement un truc sur tout ce qui est retracer les financements, etc., les circuits financiers. Donc ça s'est un peu confirmé dans l'espace VIP, où il y a eu des propos sur des fonctionnaires qui ont dit « vous inquiétez pas, on va épauler votre projet, tout ça ». Non, là tu relayes des bruits de couloir et tout, alcoolisés en plus. Pas des bruits de couloir, puisque c'était quand même juste à côté de moi. Donc, c'est juste à côté de toi, mais dans un couloir. bon, bon. Ensuite, bon, il y a eu donc une flopée de. Quand on arrive sur le FIC, donc il y a une flopée de stands. Donc il y a les sociétés de la région qui proposent leur solution de sécurité. On a un peu tout et n'importe quoi. On a. Par exemple, il y a Netask, qui a Vinavdask, qui fait des pare-feu sous OpenBSD. Sous FreeBSD. Donc ils proposent là des trucs dont... vraiment des outils de protection. Bon, ça peut être utilisé pour le filtrage, mais c'est plutôt de la lutte contre l'intrusion, voilà. de l'inspection de paquets. Mais leur business à eux, c'est vraiment la protection de réseau, c'est pas... Et sinon, on avait des sociétés comme Thales ou d'autres sociétés étrangères dont j'ai oublié le nom qui, là, clairement, c'était explicite, c'était contrôle du surf, quelle politique d'accès à quel site. Inspection de paquets, deep packet inspection, etc. Et blocage de tout ce qui semble louche. Donc en gros, en dehors du port 80 et du port 443, fallait plus espérer grand chose. Donc voilà. Il y avait d'autres trucs assez rigolos, des types avec du matériel assez impressionnant pour récupérer du matériel de forensic. Les gendarmes sont venus. C'est pas les gendarmes. Les fournisseurs de matériel sont venus présenter leurs produits. Donc voilà, on met le disque là. Ça touche à rien. Ça n'endommage pas le disque. Ça lit juste le disque. Ensuite, ça fait donc une analyse de la copie. Ça permet de faire des recherches automatiques. En fait, ça hache tous les fichiers. Donc ça crée une base de données. Donc ça permet une comparaison rapide et une recherche rapide avec d'autres documents. Donc par exemple, dans le cadre de la lutte contre la pornographie infantile, ça permet donc de faire un hash d'une photo et de dire « Ah bah tiens, cette photo qu'on a déjà trouvée chez quelqu'un, on la retrouve aussi chez cette personne-là. » Et c'est le même fichier, voilà. La même photo, le même fichier. Et donc en fait, ça marche sur des partitions FAT32, NTFS, HPFS et HPFS+, donc Windows et Mac. Quand j'ai dit le X3, le X4, le X2, ça marche. Et Lux et les partitions BSD, j'ai senti la personne un peu... perdre ses moyens sur le... Ouais, donc la pédophilie qui utilise du matériel un peu exotique, type Station Sun ou autre, et qui en plus utilise un système libre, un système informatique libre, donc quelqu'un qui cherche vraiment à protéger ses données, passe complètement au travers de ce type d'analyse. Par exemple. Oui et non... à mon avis, c'est le cas particulier. C'est le cas particulier. Ils demanderont plus de moyens, mais disons que ça résume bien l'état d'esprit. C'était assez hallucinant l'ambiance, marché, vente à la criée, des personnes qui font leur. La démonstration du nouvel éplucheur de patates, etc. Juste à côté, justement, des stands, il y avait un espace pour présenter les différentes solutions. Et à cet espace, il y avait donc des solutions de lutte anti-spam. Et j'ai un peu halluciné de la réaction d'une personne, d'une société qu'on nommera pas à l'antenne pour des raisons évidentes. Qui a commencé à dévaloriser les solutions anti-spam libres comme Spam Assassin, comme le Greylisting. Donc Spam Assassin, c'est un filtre bayésien, il va prendre des critères, leur donner des poids, et en fonction de ces critères dire tel mail il a un score de 100 ou 200, c'est pas bon, c'est un spam, je le classe comme spam. Ou un autre mail, dire là il y a un score de 70, c'est en dessous de 100, donc ça passe. Donc ça c'est un filtre bayésien, donc il y avait le Greylisting, et lui il disait mais en fait toutes ces méthodes là elles sont surétudiées par les spammeurs, nous on est protégés par le secret de la technique. Sécurité par l'obscurité, tout le blabla habituel. Et quand on sait ce que dans les faits donne la sécurité par l'obscurité... Ça donne Windows. Donc voilà. Et c'est un point important que tu soulèves. ce qu'il faut savoir en fait, c'est que justement ce type de société qui vend des anti-spam fermés, etc., et qui après derrière fait de la pub pour ces trucs, c'est le type de société qui effectivement, leurs produits sont utilisés. Alors ils sont utilisés par qui ? Par les fournisseurs d'accès type Wanadoo, type Orange, type Free, etc. Comment ça marche un filtre anti-spam ? Ça, c'est quand vous avez dans votre webmail une petite case pour ceci est un spam, donc qui va dégager le message en question de votre boîte de réception vers votre boîte de spam. Et puis l'inverse, ceci n'est pas un spam, c'est-à-dire pour faire l'inverse, mettre un message qui a été classé comme spam pour le dire non, il n'a pas été classé comme spam. Et donc tous ces messages-là qui sont en fait des erreurs d'appréciation de l'outil, du filtre, de l'anti-spam, derrière en fait ces messages-là sont réenvoyés, sont réexpédiés à l'entreprise qui gère l'anti-spam. Et cet anti-spam, il va pouvoir être amélioré, parce que du coup, ah ouais tiens, ça c'est un faux positif, c'est un message légitime qui a été envoyé en spam, on va le remettre dans son truc, donc il faut voir pourquoi est-ce que ça a merdé. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'il y a des entreprises privées qui lisent vos mails. Quand vous utilisez des services type Hotmail, type Gmail, type Webmail à la con qu'on peut trouver, Wanadoo ou autre, non seulement vos fournisseurs d'accès internet vont balancer vos adresses email à la Hadopi, mais en plus de ça, ils passent également par des prestataires externes qui ont l'autorisation de lire vos mails, sans que vous le sachiez. Et ceci dans le cadre de la prétendue lutte anti-spam. Donc ça permet d'avoir parfois accès à des secrets, genre un couple qui se dispute ou quelqu'un qui trompe l'autre et d'autres trucs du même genre. Tous les messages qu'on peut recevoir par adresse électronique, ça peut être du business, ça peut être des affaires complètement privées, ça peut être des photos de vacances. Parce que c'est con, mais tu mets tes photos de vacances dans un mail, ça fait un très gros mail. Donc ça augmente ton score. Ça peut augmenter son score. C'est des images, donc des images souvent c'est utilisé par les spammers pour éviter qu'on puisse reconnaître le texte. Donc c'est vraiment vos photos de vacances, toutes vos données vraiment personnelles et privées qui passent dans des qui passent entre plusieurs mains avant que vous puissiez les lire. Donc voilà, il y a un risque un peu de ce côté-là. Alors, c'était un salon vraiment orienté flic et business. Donc il y avait quelques entreprises et associations qui étaient présentes. Il y avait aussi pas mal de conférences. Alors on en a vu deux qui étaient vraiment très spécifiques. Alors là, je meuble un peu pendant que Little Charlie nous prépare la couverture presse. Un petit dossier, on va parler un petit peu de la couverture presse du FIC qui a été quand même assez impressionnante. On va parler un petit peu des conférences qui ont été présentées. Est-ce que t'as le programme des confs, que je dise pas de conneries Et si tu l'as pas, je suis niqué. Non, je ne l'ai pas. C'est génial. Donc il y avait une conférence qui était co-présentée par... Il y avait donc une conférence sur les risques et les enjeux de la divulgation des failles de sécurité, en fait, où il y a eu plusieurs intervenants. Excellent, donc il y avait... Donc des personnes donc du milieu universitaire de la région qui sont assez connues pour le bon boulot qu'ils font. Il y a eu d'autres personnes un peu moins reconnues comme Damien Bancal, hein, on va le dire, il co-présentait une conf là-bas. Pourquoi j'ai plus de son dans mon casque ? Là c'est bon ? Non ? Bon, c'est pas grave. Donc il y a eu plusieurs intervenants... Il y avait un type dans cette conférence-là, il y avait donc Damien Bancal qui présentait son truc. Il y avait un type de l'association machin qui est pour les correspondants auprès de la CNIL, etc. Il y avait un officier de l'armée de l'US Air Force, donc de l'armée de l'air américaine, qui présentait un petit peu comment ça marche les procédures en fait quand il y a un problème de sécurité dans les réseaux internes de l'armée américaine, comment ça se met en place, comment c'est géré, comment ces crises là sont gérées en interne et comment ça marche également la communication extérieure à ce propos-là. Et puis il y avait un avocat aussi, et il y avait les gens de l'association Akissi et de la licence professionnelle de sécurité informatique. C'est que la licence CDSI. CDAISI. Ouais, un truc comme ça, et qui nous présentait un petit peu un scénario catastrophe d'une personne qui se fait qui va dans un salon, et puis dans un salon professionnel, et puis qui en fait se fait chouraver ses données via multiples biais, notamment tout ce qui est intrusion sur son laptop, réseau wifi faiblement protégé, etc. C'était une conférence assez délirante, où on voyait vraiment le délire sécuritaire dans lequel ces gens-là vivent. Et aussi parfois la naïveté, la naïveté de certaines personnes, de l'assistance ou même des intervenants sur « Ah bon il n'y a pas besoin de mot de passe pour prendre le contrôle d'un ordinateur, il suffit juste de le redémarrer en compte administrateur. » Avec une clé USB qui marche bien et tout. Même sous Linux, un Linux pas protégé ou un Windows pas protégé, voilà. Sur la sécurité des données, ah bon, en fait, il faut chiffrer pour que nos données elles soient plus accessibles. Il y avait beaucoup de naïveté et beaucoup de peur qui ont alimenté ce délire. Et surtout, pas un mot sur les logiciels libres, pas un mot sur les bonnes pratiques à avoir en termes de sécurité des données. Il faut quand même positiver pour une fois. donc il y a eu quand même des bonnes pratiques qui ont été mises en place, qui ont été imprimées sur un tapis de souris offert aux visiteurs du forum. Donc super tapis de souris. Si certaines personnes veulent un tapis de souris, tapis de souris avec le blason de la gendarmerie de Lille. Voilà, on a deux tapis de souris. Donc il suffira de laisser un message sur le salon Silk. Ou d'appeler pendant la prochaine pause musicale. Et on vous enverra, aux frais de l'université de Lille 1, un tapis de souris aux armoiries du FIC et de la gendarmerie de Lille. Avec les bonnes pratiques, pour une fois, qui étaient assez synthétiques. C'était du bon sens et il n'y avait pas de... C'est un collector, hein, moi je m'en débarrasse, j'en veux pas. Voilà. Mais il y a eu pour une fois des paroles sensées et constructives, mais d'un autre côté, il y a eu dans la presse des choses un peu hallucinantes. On a toutes les deuxièmes ou troisièmes pages du Direct Lille de Métro. Il y en a eu aussi dans le 20 minutes, mais j'ai pas le bon 20 minutes. Attends, on recadre les choses. Hein. Là, c'est tu présentes vraiment le fond du torchon, quoi. Ouais. Les trois journaux gratuits distribués dans le métro à Lille. Mais je pense qu'on l'a retrouvé aussi sur France Télévisions. Oui, sur France Télévisions. France 3 fait pas mal de battages publicitaires pour ce forum, pour ce super forum incontournable de la sécurité. Comme le disait une attachée de presse dans Wikipédia. Et oui, vas-y, donc sur la couverture presse. Ouais, donc sur la couverture presse, je commence par Direct Lille, où c'est plutôt gentil. Hein, c'est de la peur grand public et avec un peu de désinformation et de mauvaise foi, mais c'est encore correct. Donc on a quatre titres dans la page numéro 3 du deuxième jour, du jeudi. Ouais. Le premier, c'est « Quand espionner devient un jeu d'enfant ». Donc on voit comment les enfants espionnent leurs parents, etc. Genre, vous êtes trop vieux, c'est fini, vous pourrez avoir aucune compétence informatique, vous serez toujours dépassé. Donc voilà. Il y a Allô chérie, je t'écoute. Donc, comment les concubins, concubines écoutent et surveillent leurs concubins et concubines. Ensuite, laisse pas traîner ton PC. Donc pareil pour les risques d'avoir accès au contenu, genre à l'historique de pornographie dans Firefox ou Internet Explorer. C'est la prochaine chanson d'NTM, ça. Le spot renew ton PC. Et d'ailleurs, celle-là était vraiment pourrie. Pour les sites pornographiques, il vaut mieux utiliser Firefox parce que, au niveau sécurité, c'est peut-être un peu. Mais vas-y, toi. Je sais pas, moi. Les sites porno, c'est quoi ça? Donc, là où c'est quand même le plus trash, c'est dans le métro donc de Kajou. Bon, oui, voilà. Donc pareil, le métro du jeudi 1er avril, hein. C'était pas un poisson malheureusement. Mais non. Donc page 2 et 3, une grosse double page avec un gros titre, les pédophiles traqués sur la toile. Avec, donc voilà, il y a le quatrième forum à Lille, il y a les experts qui ont mis la lutte sur la pédopornographie. On voit un enquêteur NTech qui est en train d'ouvrir un ordinateur saisi. Attention. À l'aide de sa fidèle épée cruciforme. Attention. Et là, c'est quand même du lourd. On nous annonce que la France est en retard parce que la France ne filtre pas tout ça. Que voilà. Et... On rappelle quand même que les stats officielles de la pédophilie, de la pédopornographie en France en 2009, c'est 12 cas, 12 personnes condamnées en France en 2009 pour des délits relevant de la pédophilie et de la pédopornographie. Alors, j'ai pas le même chiffre, moi j'ai 1800. La division de lutte contre la cybercriminalité a résolu 1800 affaires depuis 2006, dont 12 affaires sur les viols de depuis 2006. Ça représente rien du tout. Ça représente rien du tout quand on compare au nombre de vols de voitures, quand on compare au nombre d'agressions dans le métro, malgré la vidéosurveillance. Protection. etc. La pédopornographie sur Internet, c'est un épiphénomène qui n'existe pour ainsi dire pas du tout. Les chiffres sont très loin des discours alarmants et profiltrage qu'on entend depuis quelques années. Surtout que il y a eu quand même plusieurs ouvrages qui ont été publiés pendant l'Alopsie, notamment un rapport, un travail de Fabrice Eppelboin. Ouais, le mec de Read Write Web. Sur donc, le commerce de la pédopornographie, où il montre qu'en fait, il se base sur un témoignage d'un ingénieur ou technicien donc, qui a travaillé 20 ans dans le commerce de la pédopornographie. Donc il nous explique quand même que, dans son document, que ça sert à rien, que le filtrage. Et là, sur le premier article de la double page, on a donc un truc sur le forum, on parle un peu du filtrage, notamment donc de la Commission européenne qui a demandé à ses États membres de bloquer l'accès aux sites pédophiles. On revient aux directives. Et donc on a tout un paragraphe sur voilà, j'ai commencer au paragraphe d'avant. On ne peut pas dire que tel ou tel public, en fonction de son âge, de son milieu socio-professionnel, est plus enclin qu'un autre à détenir ou à échanger ce type de fichiers, des fichiers pornographiques. S'il existe un point commun entre toutes ces personnes, c'est la quantité pharaonique de fichiers possédés. Voilà, on explique qu'il y en a beaucoup et dans le paragraphe après, on explique qu'il faut les filtrer. Et un constat partagé par Fabrice Eppelboin, consultant, auteur d'une thèse sur le commerce de la pédopornographie entre 2000 et 2010. Il existe des quantités hallucinantes sur Internet, la société est énormément violée, la production aussi. Le portrait qui est dressé dans de Fabrice Eppelboin dans cet article, en gros, c'est affolant. On réutilise le livre blanc publié par Eppelboin pour dire l'inverse de ce qu'il dit dans le livre. C'est quand même excellent. Bon, après, c'est un problème qui existe. Les abus de mineurs dans le but de les faire poser ou dans les buts d'avoir des relations. Mais concrètement, il y a une grosse partie, une énorme partie de ces abus qui est fait dans l'entourage direct, sans moyen de communication. Le problème, il est dans l'entourage direct de prédateurs sexuels. Et dans l'éducation. Enfin, je veux dire, les chances sont infimes pour qu'un enfant tombe dans les mains d'un prédateur sexuel qu'il aurait rencontré via Internet. Les chances sont réellement infimes. Et pour peu qu'on ait un minimum d'éducation sur les réseaux sociaux, sur les systèmes de communication par internet, etc., les chats, MSN, machin, il y a très très peu de chances que des choses comme ça puissent se produire. Alors après, ça n'empêche pas qu'il y ait des forces de police qui s'occupent de ces prédateurs sexuels. De là en fait à poser le filtrage d'internet et la censure des moyens de communication comme l'unique réponse possible à ces problématiques là, il y a un pas quand même. Et donc dans la suite, il y avait moi je suis allé à une deuxième conférence sur la contrefaçon sur internet et les réponses qu'on peut avoir face à la contrefaçon. Ça a été juste une énorme sortie de l'arsenal juridique, notamment de l'arsenal juridique français, donc Adopi, Lopsi, Datsi, etc. Il y a eu quelques choses techniques intéressantes sur comment techniquement les sociétés vont suivre les téléchargeurs, sur comment ils vont fingerprinter les films ou les musiques. L'empreinte digitale d'un film, d'un fichier. Ouais. En fait, ils vont calculer des empreintes en dégradant la qualité de façon à ce que toutes les musiques se ressemblent à peu près au niveau qualité et au niveau code. Et ils vont récupérer les pics importants, les basses. Ils vont échantillonner, en fait. Ils vont faire un histogramme et à partir de là, ils vont faire une comparaison. Il faut qu'il y ait 80 ou 90% de ressemblance. Donc on normalise tous les fichiers qu'on trouve. Et on, on fait une étude là-dessus. Ouais. Et après, donc le but du jeu, c'est de retrouver la source, le premier fichier qui a été mis sur Internet. C'est dans un but juste de pouvoir... récupérer, suivre les films, même s'ils ont été encodés différemment, avec différents codecs MP3 donc par exemple. C'est plutôt retracer le parcours sur Internet. Voilà, c'est pour pouvoir suivre sur les plateformes de peer-to-peer les différents hash correspondants aux différentes versions d'un même fichier. D'accord. Voilà. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le FIC parce qu'il y a. En deux jours, tellement de choses. Il y a eu 30 ateliers, des conférences, des bruits de couloir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais, on va passer vite au truc. Dernier point positif quand même, sur l'un des stands. Ah oui, sur l'un des stands qui proposait une solution de IDS, de sonde de détection d'intrusion. De système de détection d'intrusion. Il y avait, le seul point positif, c'était les petits cochons snort en mousse du nom de la sonde d'intrusion. Qui est un logiciel libre. C'est rigolo de voir des boîtes comme ça qui revendent en fait des logiciels libres. Des services autour des logiciels libres. Bon. Sur ce, je pense qu'on va passer à l'agenda. Ouais, l'agenda vite fait. Je fais l'agenda vite fait, hein. Allons-y. Alors, je vais commencer en fait par un petit agenda. Je vais déjà commencer par une petite mise en garde. On a été averti en fait, c'est tout récent, hein, ça l'a dit il y a quelques jours. Les contorsions technologiques qui devaient être organisées du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai prochain, organisé par le Hackerspace, la suite logique de Paris 13e, sont reportés à une date inconnue. On n'a pas plus d'infos là-dessus. On sait juste que l'événement, les contorsions technologiques, est repoussé à une date inconnue. Alors, au niveau des choses qu'il faut dire, il y a un cycle de trois conférences qui seront données par Benjamin Bayard. Benjamin Bayard, dont on a pas mal parlé ici, qui est en fait le président, l'actuel président de French Data Network, qui est le plus ancien fournisseur d'accès à Internet encore en activité en France, fournisseur d'accès associatif dont on a beaucoup parlé, notamment dans notre dossier sur le réseau libre il y a un mois. Et donc il va donner trois conférences sur le thème « Qu'est-ce qu'Internet ?». Alors c'est dans le cadre des activités de l'association Liberté Numérique, qui est une association d'étudiants de Sciences Po Paris, donc de l'Institut d'études politiques de Paris. Alors ces trois conférences, elles auront lieu le mercredi 14 avril de 19h15 à 21h15, le lundi 19 avril de 19h15 à 21h15, et le 4 mai, le mardi 4 mai, de 19h15 à 21h15. Donc c'est dans différents amphithéâtres de l'Institut d'études politiques de Paris. Alors ensuite, du jeudi 15 au samedi 17 avril 2010, il y aura donc le Braise Anthropique Congress à Rennes, A priori, le groupe des Générescences va y donner une conférence de présentation, etc. Il y aura pas mal de choses vraiment intéressantes là-bas. Il y aura Toile Libre, il y aura plein de trucs intéressants. On a eu une entrevue téléphonique dans Random 9. C'était il y a 4 émissions, du coup, puisqu'on était à la Random 13 aujourd'hui. Lundi 19 avril 2010, à 19h30, il y a la conférence « Comment j'ouvre ce putain de fichier ?» Format ouvert et pérennité des données. Donc c'est organisé par l'association CLX dans le cadre des Lundis des Libertés Numériques. Donc ça se passe dans les locaux de l'Union Française pour la Jeunesse, au 1 rue Macquart. Donc en fait c'est juste en face du Champ de Mars, à côté des Jardins Vauban. En fait. C'est oui, voilà. Plutôt de l'esplanade Champ de Mars. Donc lundi 19 avril 2010 à 19h30, donc lundi des Libertés Numériques. Alors le dimanche 25 avril... Ce sera la prochaine émission de Random, Random 14, 19-20h sur Radio Campus Lille. Du vendredi 30 avril, le dimanche de mai, non, c'est pas les contentions technologiques, machin, rien. Et vendredi 7 mai 2010, ce sera le prochain meeting de 1600 Lille. 19h30, grand place de Lille. Et toutes les infos sur www.2600lille.org. Et on a un peu dépassé. De combien de temps ? De 16 secondes. Oh, bon, alors c'est bon. Et ben, on va donc vous souhaiter une excellente soirée, une bonne et fin de week-end. On vous retrouve dans 15 jours. Et on vous retrouve donc le 25 avril. A bientôt. A bientôt. Bonjour les gars, je m'appelle...